Quand Venceslas revint chez lui, quand il eut achevé de lire les deux lettres, il éprouva comme un sentiment de joie mêlé de tristesse. Gardé, pour ainsi dire, à vue par sa femme, il s'était intérieurement rebellé contre ce nouvel emprisonnement à la Lisbeth. Gorgé d'amour depuis 3 ans, il avait, lui aussi, réfléchi pendant ces derniers 15 jours, et il trouvait la famille lourde à porter. Il venait de s'entendre féliciter par Stidman sur la passion qu'il aspirait à Valérie, car Stidman, dans une arrière-pensée assez concevable, jugeait à propos de flatter la vanité du mari d'Hortense, en espérant consoler la victime. Venceslas fut donc heureux de pouvoir retourner chez Madame Marneff. Mais il se rappela le bonheur entier et pur dont il avait joui, les perfections d'Hortense, sa sagesse, son innocent et naïf amour, et il la regretta vivement. Il voulut courir chez sa belle-mère et obtenir son pardon, mais il fit comme Hulot et Crevel, il alla voir Madame Marneff, à laquelle il apporta la lettre de sa femme pour lui montrer le désastre dont elle était la cause, et pour ainsi dire, escompter ce malheur en demandant en retour des plaisirs à sa maîtresse.